Mais qu'est-ce tu crois? On en a marre de serrer la ceinture. Nous aussi on veut le champagne et tâte et des seins durs. Depuis le temps que ça dure, perdu dans l'aventure on s'arture. Ici le présent nous fait défaut donc me parle pas de futur. Trop d'abus, de confiance, je prends conscience. Et je garde toujours en moi une bonne part de méfiance. Je mets mes sens en éveil et jette un œil par-dessus mon épaule. Je décolle ainsi qu'au bec et ça depuis l'école. Rêveur à mes heures, j'ai vite compris. Tu peux gueuler encore plus fort mais personne n'est là pour entendre ton cri. Et tu crois que tous les jours on devrait faire comme si tout va bien alors que dans nos têtes c'est le conflit. Je perds mon temps à taffer comme une pute pour payer mon temps. Où tout le monde te dira dégage si t'es pas content. Je vois mon avenir dessiné par une note. Et peut-être bien qu'un jour il sera décidé par un autre. Mais qu'est-ce tu crois? Tu veux nous voir les bras en croix? Face à l'échec, baisser la tête, servir d'appât ou de proie. Non merci mec, moi j'ai le rap à ma merci. Même si souvent c'est l'homme qui parle et pas l'MC. Mais qu'est-ce tu crois? Tu veux nous voir les bras en croix? Face à l'échec, baisser la tête, servir d'appât ou de proie. Non merci mec, moi j'ai le rap à ma merci. Même si souvent c'est l'homme qui parle et pas l'MC. Mais qu'est-ce tu crois? Quand tu me regardes, dis-moi qu'est-ce tu vois? J'suis pas Youvoi, j'ai juste un mic, moi j'encaisse tout bas. S'il y a des choix à faire, c'est celui de la caisse qu'on voit. N'essaie même pas de nous enlever tout ce que l'on convoite ici. Il faut s'armer de patience et attendre après quoi? Mais tout ça n'a pas de sens. Moi j'actionne les miens, conscient de ce que je tiens entre les mains. D'un pas de recul, je me gratte la tête quand je vois le genre humain. Égoïste et prétentieux, qui cherche le contentieux. Avec du vice, mais se plaint pas de sa vie là en Suisse. Bienvenue là où réussite rime avec écarté les cuisses. Un destin propice coincé entre la merde et la pisse. Fils, c'est juste un extrait de plus. Car y'a trop de plaies ouvertes et je veux en extraire le but. Reclus dans ma pièce, laisse, je travaille mes maquettes. Toujours en quête de bon rap, je fais marcher ma tête. Mais qu'est-ce tu crois? Tu veux nous voir les bras en croix? Face à l'échec, baisser la tête, servir d'appât ou de proie. Non merci mec, moi j'ai le rap à ma merci. Même si souvent c'est l'homme qui parle et pas l'MC. Mais qu'est-ce tu crois? Tu veux nous voir les bras en croix? Face à l'échec, baisser la tête, servir d'appât ou de proie. Non merci mec, moi j'ai le rap à ma merci. Même si souvent c'est l'homme qui parle et pas l'MC.